18-8, observation. Profession. Ce qu'on peut faire. Les hommes et les femmes d'affaires font des affaires. Les commerçants font du commerce. Les enseignants font de l'enseignement. Les cinéastes font du cinéma. Les hommes politiques font de la politique. Les femmes aussi. Les peintres font de la peinture. Et les étudiants font des études. Notez que le nom de la profession est précédé de « de » plus l'article défini. Comparé avec « faire du sport », « de la voile », etc. Notez que « faire de » n'est pas utilisé avec tous les noms de professions.